chercheurs d'air. Yes, it's just enough. down the rabbit hole. I can hardly see the sun. Feeling for the living soul. Lying on the other day. With some in this dim light, thank you. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Alors, vous avez entendu dans le premier bloc la pièce Rabbit du groupe américain originaire de San Francisco, Rose City Band. C'est extrait de l'album Earth Trip, un album paru en 2021. Rose City Band, c'est le projet du guitariste Ripley Johnson, aussi membre du groupe Wooden Chips. Ça a été précédé par la pièce Slow the Wheel du musicien torontois André Etier. C'est extrait de l'album Further Up Island, un album paru en 2021. Et on a débuté le bloc avec Northern Sky du regretté Nick Drake. C'est extrait de son album Brighter Lighter, un album paru en 1970. On enchaîne avec Graham Coxon. Outside the window, they're singing. Inside the doorway, there's me. Endlessly thinking and working. In my room. Outside the window, they're singing. Inside the doorway, there's me. Endlessly thinking, working. In my room. I can't share the joy they're sharing. Can't share the wine that they drink. I stand by the window, just watching. that may burn. Painful. Came on my heart. I tried to wash it away. Nearly washed my poor heart clear down the drain. À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous ai proposé dans le dernier bloc la pièce McMurdo Sound du groupe britannique Dane Law. C'est extrait de l'album Blue 46, un album qui est paru récemment. Ça a été précédé par la pièce Drain Face de l'Américain Bill Callahan. C'est extrait de l'album Reality, un album qui est paru un peu plus tôt cette année. Juste avant, vous avez entendu Snow Falls on the Desert Plain des Américains John Convertino et Naïm Amor, cet extrait de l'album The Western Suite and Siesta Songs, un album paru en 2016. Et on a débuté le bloc avec la pièce In My Room du musicien et guitariste britannique Graham Coxon, cet extrait de la bande originale de la série The End of the Fucking World qui est paru en 2018. Après la pause, Bobby Lee. Thank you. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Black Midas du musicien américain de Portland, mais originaire du Pakistan, Ilyas Ahmed. C'est extrait de son album Between Two Skies Towards the Night, un album qui est paru en 2008. Ça a été précédé par Go Your Way du bassiste américain Devin Hoff. C'est extrait de l'album Voices from the Empty Moor, Songs of Anne Briggs, un album qui est paru en 2021. Et on a débuté le bloc avec Broken Prayer Stick du musicien et guitariste britannique Bobby Lee. C'est extrait de son album Origin Myths, un album paru en 2021. On enchaîne avec la musicienne américaine Itasca. dead speak louder in this neck of the woods. Yeah, the dead speak louder in this neck of the woods. Come out from the shadows and bring me the goods. Hard times and trouble, hard labor and toil. Hard times and trouble, hard labor and toil. Long years of torment buried beneath this soil. Find my brother, gonna bring him back home. Gonna find my brother, gonna bring him back home. Piece him together. Piece him together, bone by bone by Thank you.

against our brow, a damsel did dwell. She was courted by a sailor lad, and she loved him right well. He promised for to marry her when he did return, but a watery ooh. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous rappelle que pour toute question sur notre choix musical, vous pouvez consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Sphere of Sensory du groupe irlandais originaire de Dublin, Cormorant Trio. C'est extrait de l'album Swoon Tide, un album qui est paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par la pièce Strawberry Tower, des musiciennes britanniques originaires du Yorkshire, Bryony Griffith et Alice Jones. C'est extrait de l'album A Year Too Late and a Month Too Soon, un album qui vient tout juste de paraître. Et on a débuté le bloc avec la pièce After Comes the Dark, du groupe britannique originaire de Canterbury, Green Diesel. C'est extrait de leur album After Comes the Dark, un album qui est paru en 2021. On enchaîne avec le musicien britannique Ben Edge. Thank you. No matter how dark the storm gets overhead, they say someone's watching from the calm at the end. What about us and we're down here in it? We got to watch your own backs. Ooh, ooh, ooh, ooh. But if you do see that call, how it shines through its fiery eye, go on and catch it while you can. Go on and catch it if you can. But I'm going to watch my Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Didn't It Rain de la chanteuse britannique d'origine irlandaise et née à Londres, Bridget May Power. C'est extrait de son album Burning Your Light, un album qui est paru en 2021. Juste avant, vous avez entendu la pièce 2020 de la chanteuse espagnole mais basée au Danemark, Elena Setién. C'est extrait de son album Unfamiliar Minds, une autre nouveauté. Et on a débuté ce bloc avec Mutilated Land du musicien britannique Ben Edge. C'est extrait de son album New Tradition, un album qui est paru en 2020. Après la pause, la chanteuse irlandaise Effie Nessa Francis. See in the soft lines.

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc In Another Life de la chanteuse américaine originaire de San Francisco, Mac Cornish. Cet extrait de son album Mac Cornish, un album qui est paru récemment, ça a été précédé par la pièce What If We Do de la chanteuse américaine originaire de Los Angeles, Mia Doy Todd. Cet extrait de son album Manzanita, un album qui est paru en 2005. Et on a débuté le bloc avec la pièce Soft Lines de la chanteuse irlandaise originaire de Dublin, Ifinessa Francis. Cet extrait de son album Protector, un album qui est paru récemment. Je vous rappelle que pour toute question sur notre choix musical, vous pouvez consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. On enchaîne avec le groupe américain Dirtwater. Who in the world? Set up some advice. I've life found true. Go easy on October, she'll go easy on you. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous êtes ici en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez écouté dans ce dernier bloc la pièce Go Easy on October du chanteur et guitariste britannique, mais basé à Chicago, James Elkington. C'est extrait de son album Ever Roving Eye, un album qui est paru en 2020. Ça a été précédé par la pièce Wordless Chapel de la chanteuse américaine originaire de Asheville en Caroline du Nord, Sarah Louise. C'est extrait de son album Earth and Its Content, un album qui est paru en 2020. Juste avant, vous avez entendu la pièce Walking at Night du groupe américain Cheval Sombre, qui est accompagné ici par le groupe Sonic Boom. C'est extrait de l'album Days Go By, un album qui est paru en 2021. Cheval Sombre, c'est le projet de l'acteur et musicien néo-zélandais Dean Wareham, qui était aussi membre du groupe new-yorkais Galaxy 500. Et on a débuté ce bloc avec la pièce With the Wolves du groupe américain originaire de New York, Dirt Water. C'est extrait de leur album With the Wolves, un album paru en 2021. Si vous avez des questions sur notre choix musical, vous pouvez consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. Alors, c'est tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.